Jackson Bezos and Anonymous in a Millie Pro. Au commencement, Dieu créa l'homme. De l'homme est venue la femme. Tu es mon âme, oui, où je te porte dans ma peau. Si tu me portes dans ta peau, viens dans son haut d'un simple. Mais le vraiment que des mots. Quand tu bouges, mon bébé, pauvre. Tu es la seule que j'aime, je ne te quitte pas. Je reste fidèle à la mère de mes enfants. Même si la vie est un combat. La vie est un combat. Je touche, aïe. Elle, c'est qui, elle, c'est qui. Elle, elle, c'est la femme de ma vie. Elle, bouge au soleil de mes nuits. Elle, elle est dans ma nacherie. Elle, elle, c'est qui, elle, c'est qui. Elle, elle, c'est la femme de ma vie. Elle est trop belle comme Cendrillon. Elle est mon amour, ma sec, elle mon embryon. Il y a pas de elle sans moi, ni de moi sans elle. Quand tu m'inquiètes, dis elle c'est moi. My baby, mon souci. Je suis ivre d'amour et sois mon zoubi. Tu es la seule œuvre, je ne te quitte pas. Même sur la terre tombée, je ne te quitte pas. Elle comme la lumière du jour. Embryon, mon amour. Elle c'est qui, elle, elle c'est la femme de ma vie. Elle bouge au soleil de mes nuits. Elle, elle est dans ma nacherie. Elle c'est qui, elle c'est qui. Elle c'est la femme de ma vie. Elle bouge au soleil de mes nuits. Elle est dans ma nacherie. Elle. Je veux que tu es là, je veux que tu te caches. Il faut que je te vois. Ne te brime pas, je suis là juste pour toi. Ne découragez pas. Dans son haut d'un simple. Mon cœur revive de toi. S'il te plaît, changeons des plans. Allez sourire aux lèvres chérie. Dis-toi que je t'aime. Quand tu souris moi-même, lady. Je sais que tu m'aimes. Allez sourire aux lèvres bébé. Tu sais que je t'aime. Parce que souris moi-même, lady. Je sais que tu m'aimes. Allez sourire aux lèvres bébé. Tu sais que je t'aime. Parce que souris moi-même, lady. Je sais que tu m'aimes. Lé, lé, lé, lé, lé, lé.